Marie Rétan, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Gérard Lalstein pour son roman Les Océanes, Destin croisé, qui a obtenu le Grand Prix spécial 2015 de la Société des poètes et artistes de France. Bonjour M. Lalstein. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de vous, de vos études, de votre métier ? Oui, en quelques mots. Donc je suis né à Jarville, hein, dans la région, devant les ruines des forges du Nord-Est. Ça va quand même provoquer quelques petits souvenirs. Et au niveau de mes études, bon, j'ai fait des études classiques, puis techniques, puis scientifiques. Et je me suis finalement orienté vers des études de philosophie, donc au niveau des études supérieures. Quant au métier, j'ai commencé par un métier d'enseignant à Pont-à-Mousson, dans la Meuse, puis à Longwy, qui est un petit peu mon fief. Et j'ai finalement opté pour l'administration préfectorale. Ah d'accord. Donc c'est assez tortueux comme cheminement. Mais avec une formation de philosophe, j'avais envie de voir divers aspects de la vie économique et j'ai fini comme responsable du service des finances de l'État et des marchés publics. Donc rien à voir avec des études de philosophie, non, ni avec la littérature, apparemment. Apparemment ? Apparemment. Oui, oui, effectivement. Pour moi, vous êtes content de votre vie active ? Ah, ma vie active, oui. Alors, il y a eu une grande part de vie associative. Hein, parce qu'en dehors de mon métier, qui était déjà très prenant, j'ai participé à la création d'une fondation en matière de formation sociale et humaine. Ensuite, j'ai pris la maîtrise d'œuvre de restauration d'un monument historique et de reconstitution d'une forge du 19e siècle, qui est devenue aujourd'hui Métallurgique Parc, en Haute-Marne. Donc, ça a été aussi relativement éclectique. D'accord. Oui, oui. Et autrement, dans les autres, vous faites d'autres participations dans les associations ? Oui, à la demande. À la demande, quand il y a un service à rendre, quand, pour des chercheurs aussi, parce que je fais des recherches en matière d'histoire de l'industrie. Et dans ce domaine-là, ben, j'aide des associations à monter quelques projets, mais sans être forcément membre, hein, parce qu'on ne peut pas être membre de 36 associations si on veut faire du bon boulot. Et qu'est-ce qui vous a amené à écrire ? Ah, bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai écrit mon premier petit livre à l'âge de... Je devais avoir 9 ans. J'ai été tellement submergé par des sensations de vie, des sensations d'émerveillement devant les réalités du monde. C'est comme ça, je suis né comme ça, que je ne pouvais pas ne pas les partager. Donc j'avais envie de les faire passer et c'est comme ça que je me suis mis à écrire un tout petit livre illustré parce que l'illustration tient aussi une place dans l'œuvre sur l'histoire du Peyo, hein, et de ma famille, de mon grand-père qui était mineur, de mon cousin qui était fondeur et voilà, mais bon, j'allais dire c'est vraiment un goût profond, je ne peux pas m'empêcher d'écrire. Mes textes, mes poésies, je les ai écrits dans les usines, au fond des mines, sur le zinc d'un bar, dans une salle des pas perdus, avec des petits billets plein les poches que je retrouvais pas d'ailleurs. Ah oui, mais bon voilà, c'est rien à faire. J'ai la main qui me démange comme le guitariste a la main qui le démange quand il a sa guitare tout près. Quoi. Oui, oui, oui. Donc vous n'êtes pas obligé d'être dans le silence complet. C'est quand ça vous vient. Ah oui, oui, oui, c'est comme ça. C'est comme ça vient. Il y a des jours où c'est la sécheresse absolue. Hein. C'est même pas l'angoisse de la page blanche. C'est pas envie d'écrire parce que j'ai rien à dire. Ouais. Et puis il y a des jours où, ma foi, ça monte, et puis comme une source chaude, il n'y a rien à faire, quoi. Pas possible. Alors, c'est mon objectif, ce n'est pas forcément tout transmettre. Hein. D'ailleurs, j'ai écrit des milliers de pages, j'en ai édité que 2 ou 3 000. Donc l'objectif, ce n'est pas la production, mais c'est une activité. C'est une activité intellectuelle, c'est une activité... de la sensibilité, de l'intelligence, de la relation, parce que quand on écrit dans différents milieux, la relation est très importante. On rencontre beaucoup de gens passionnants et il y a une émulation, forcément. On ne peut pas écrire tout seul dans son coin. D'accord. Et c'est un besoin d'écrire ? Ah oui, oui, c'est un besoin. C'est un besoin. Vital. Vital. Vital. D'accord. Eh bien, écoutez, avant d'aborder le thème de votre roman, nous allons faire une première pause musicale. C'est vous qui avez choisi cette musique. Nous allons écouter Le Matin de Perdue. Oui. De Grieg, bien sûr. Sur Fadjet, vous m'en lirez tant. Nous sommes toujours avec Monsieur Dahlstein. Pouvez-vous nous résumer votre livre ? Oui. C'est un ouvrage qui a pour titre Les Océanes. Il commence par un séjour dans l'île d'Oléron avec un ami, mais quel ami ? On n'en rencontre quelquefois qu'un dans sa vie à cette profondeur-là, et c'était lui. Quelquefois, il y en a qu'on ne rencontre jamais. Mais cet ami-là, on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. Je lui ai donné le goût de l'écriture, il m'a donné le goût de la peinture. Nous avons partagé, dans notre adolescence, c'est en 1966, dans les prémices de la révolution culturelle de 1968. Oui. Et on sent, dans ce livre, il y a toute cette approche d'une jeunesse qui est en même temps, qui a envie de changement, qui a vraiment une envie de profond de bouleversement. Et on partage nos histoires amoureuses qu'on vit séparément, mais on les partage jusqu'au bout avec les mêmes personnes. Et notre devise, c'est pas sous les pavés la plage, ni il est interdit d'interdire, c'est vivre avec son temps, c'est crever dans le temps des autres. C'est-à-dire, on se démarque, on veut autre chose. D'accord. On veut autre chose, on ne veut pas suivre les modes. Donc, on est en bordure, quoi. Mais avec des valeurs énormes. On est des idéalistes. Des idéalistes et des poètes. Oui, comme on peut l'être aussi à cet âge-là. Et des poètes, mais la voie de la poésie, on va la prendre d'une façon, j'allais dire, définitive. Et lui va devenir Grand Prix des poètes lorrains. Et malheureusement... sa fin va être tragique. Oui, on en parlera après. Sa fin va être tragique. Il va être fauché en pleine jeunesse, dans des conditions qui étaient vraiment imprévisibles. Et ce livre pose la question du destin. Mmh. J'y réponds pas. On ne peut pas y répondre. Non, mais oui. C'est vrai qu'il y a des choses curieuses. C'est vraiment curieux, comme si son avenir était écrit, comme s'il l'avait senti. Mais ce n'est pas la fin du livre. L'histoire se poursuit, c'est là l'intérêt. L'histoire se poursuit dans une certaine lumière. Et la fin du livre, la dernière phrase, c'est Pierre, nous sommes vivants, hier, maintenant, toujours, forcément. Forcément, oui. Voilà. Oui, c'était une vraie, comment dire, c'est une ode à l'amitié, effectivement. Ah oui, c'est une ode à l'amitié. Et, c'est la découverte de la profondeur des sentiments qui va dans des endroits qu'on n'a pas soupçonnés. Et des plaisirs, on pourrait aller visiter tous les pays du monde, on pourrait voir les choses les plus grandioses, on n'arriverait pas à cette taille-là. Et c'est un petit peu l'apologie de la vie intérieure. Hein, et le problème, c'est de ne pas la perdre. Hein, l'adolescence est propice à ce genre de naissance, et puis quelquefois, on sort bourgeois, disons-le. Et on a essayé de ne pas le faire. Mais ça lui a été fatal. Oui. C'est un peu un roman autobiographique. Quelle est la part de la réalité et du rêve? Alors, pour protéger l'intimité des personnes, je la présente comme une œuvre de fiction. C'est-à-dire que les noms sont changés pour les personnes vivantes en tout cas. Les lieux, bon, ils sont quand même exacts, mais je veux dire, on ne peut pas retrouver, ou alors si on a vraiment la volonté de retrouver une personne, on peut le faire, mais ça serait malsain. Et puis je vois pour quel est l'intérêt, il n'y en a aucun. Mais tous les faits sont exacts, oui. Tous les faits sont exacts. Tous les faits sont exacts. Les jeunes hommes que vous êtes à cette époque sont d'un romantisme exacerbé, hein, bien sûr. Ils ont aussi un cœur d'artichaut, moi, je trouve. J'ai l'impression qu'ils sont plus amoureux de l'amour que des jeunes filles rencontrées. C'est difficile, à expliquer. Mais à cette époque-là, oui, il y avait une idéalisation, hein, de l'amour, pour l'une, tout du moins, pour Dania. Mais je passe très vite ensuite, mais c'est l'objet d'un livre qui viendra ensuite. Je passe très vite sur la rencontre avec mon épouse actuelle, qui là est bien ancrée dans la terre. Mais c'était une expérience spirituelle aussi, c'est-à-dire que amour et spiritualité étaient intimement mêlés. Il y avait une ouverture un peu universelle, et puis une histoire un peu folle, on était fous. Oui, vous étiez... On était à la limite de la folie, ouais. Mais une douce folie. De se folier, oui, c'est vrai. Je sais pas, j'avais un peu le sentiment qu'ils n'avaient pas envie d'être seuls, quoi. C'était... Oui, exact. Alors, le problème de ces deux garçons, c'était... ils étaient en plein dans la créativité. Pour eux, créer, c'était toute leur vie, mais ils étaient seuls. Ils se sentaient seuls et ils étaient à la recherche de l'âme-sœur. L'âme-sœur qui était idéalisée au départ, oui, mais... ils avaient déjà conscience qu'ils avaient besoin d'un complément en même temps pour les faire devenir ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que la définition du couple que j'ai gardée, c'est aider l'autre à devenir qui il est. Et en même temps, c'est réciproque. C'est-à-dire aussi permettre à l'autre de devenir qui il est. Et il était à la recherche, lui, Jean-Pierre, enfin Pierre dans le livre, il était vraiment à la recherche de l'âme sœur. Et c'est ce qui va lui être fatal. Oui, parce qu'en même temps, je veux dire, ils se sont mariés très très très vite. Ils se connaissaient pas en fait. Non, absolument pas. Et il s'est marié avec. Il devait se marier quelques mois avant avec une autre. Oui, c'est ça. Et la question qui se posait vraiment pour moi ensuite, c'est mais enfin l'autre lui correspondait tout à fait. Et il a choisi. Celle qui allait l'assassiner. Oui, oui. Il a choisi la mauvaise personne. Au dernier moment. Et lorsqu'il est venu à la maison, la dernière fois que je l'ai vu avec sa petite fille, quand je l'ai vu arriver, je ne l'ai pas reconnu. Parce que je me dis, mais attends, c'est pas possible. C'est pas lui. Il n'a pas pu épouser cette personne. Ça colle pas. Il y a quelque chose qui ne collait pas. Oui, oui. Alors, il reste une part du mystère. Bon, je la livre pas, elle est dans le livre. Oui, oui, bien sûr. Mais en même temps, il était aussi, comment dire, il cherchait aussi ailleurs. Alors que marié, manifestement, comme le mariage n'avait pas l'air de lui convenir, non. Il était aussi en train de, un peu de batifoler à côté, je veux dire, en train de chercher peut-être une autre muse. Oui. Et peut-être que ça a participé aussi. Oui. Alors, il cherchait une autre muse. Et bon, les journaux de l'époque ont sali sa mémoire. C'est pour ça que j'ai écrit aussi ce livre. Dans des conditions assez étranges, hein, parce que l'écriture m'a été commandée, si vous voulez. C'est quelque chose que je ne comptais pas écrire. Mais je l'avais écrit à l'âge de 20 ans, à la moitié de ce livre. Et puis, bon, il est tombé dans les oubliettes. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que y avait une recherche de sa part exacerbée d'une personne qui ne pouvait pas exister. Ce n'était pas possible. Mais il a failli la trouver. Il a failli la trouver quelques instants avant de basculer de l'autre côté. Oui. Et c'était un amour platonique. C'était oui. un amour platonique. Et il n'a jamais pu se résoudre à mettre les pieds complètement dans la réalité là. Et bon, il est allé à Montségur. Il avait une recherche aussi spirituelle. Il avait gravi différents échelons, tous les échelons des Rose-Croix. Et il m'avait parlé d'un ordre nouveau dans lequel il était engagé et qui lui paraissait pouvoir répondre à ses questions, mais je me faisais pas trop d'illusions, je savais que c'était pas sa voie. C'était pas sa voie. Et c'est moi qui l'avais mis sur cette voie, malheureusement. Je devais rentrer moi chez les Rose-Croix, puis quand j'ai vu un peu leur cosmogonie, enfin leur théorie, ça m'a fait reculer, mais lui n'a pas reculé. Il n'a pas reculé, oui. Non. Mais bon, ordre nouveau, ça fait toujours un peu peur quand même. Oui, oui, tout à fait. Donc les voyages en train, les activités proposées dans ce camp de vacances laissaient beaucoup de temps pour rêver. La notion du temps a beaucoup évolué avec l'immédiateté apportée par les techniques actuelles. Vous pensez que la jeunesse actuelle manque de temps pour rêver et pour se construire ? Vous savez, j'évite de penser parce que je crois qu'il y a un décalage, pour moi en tout cas, hein, j'ai 67 ans, je ne comprends pas tout, je l'avoue. Je ne comprends pas tout. On a des enfants, des petits-enfants. Y a des choses qui me rejoignent beaucoup. Et puis d'autres, je les vois partir vers un monde, c'est comme s'ils quittaient la planète pour aller chercher une autre planète que moi, je ne connais pas. Mais je pense que les valeurs profondes qui sont en dessous sont éternelles. C'est-à-dire que il y a des modes, l'histoire n'est pas linéaire, il y a des temps de respiration. Et si j'essaye de laisser quelque chose, c'est aussi que ces valeurs-là, elles sont immortelles, elles vivront. Elles vivront quelle que soit la jeunesse. Oui, oui. Je n'ai pas cette image d'une jeunesse qui est complètement abattue. Le monde n'est pas drôle pour elle, il était différent. La perception du monde qu'on avait à notre époque ne pouvait pas être la même. Non, c'est sûr. Je dis toujours, moi, on croyait au progrès. On croyait énormément au progrès. Et moi, je voyais les hommes travailler au progrès. Oui, alors que maintenant, il fait un peu peur des fois. Il fait un peu peur. Oui. Hein. Donc, c'est vrai qu'on peut difficilement comparer les deux générations. Mais on a quelque chose à s'apporter mutuellement. Oui. C'est ce qui importe. Oui, effectivement. Et vous avez une écriture très, très poétique et en même temps très abordable, moi, je trouve. Votre livre se lit avec gourmandise, mais un peu comme un bon vin, il se déguste. C'était voulu ? Alors, oui, c'est vraiment... c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix et c'est un goût personnel. Je suis gourmet. C'est vrai que j'apprécie les bonnes choses en petite quantité, mais c'est pas n'importe quoi. Et disons que l'écriture, c'est vrai que je me suis découvert poète lorsque j'avais 12 et 13 ans. J'en ai souffert d'ailleurs, hein, parce que ça me coupait un peu du reste de mes copains. Et certains m'appelaient le fou. Hein, ah oui. Oui, mais c'est dans le prochain livre. Et c'est vrai que cette sensibilité poétique, je l'avais. Je ne pouvais pas la nier, je ne pouvais pas m'en défaire, c'était impossible. Ni rentrer dans une mode, ni vouloir écrire dans un style, vouloir écrire ce qui se vend. Le mercantilisme, moi, ça m'échappe totalement, c'est pas mon truc. Donc, je ne suis pas romancier. Je ne suis pas romancier, je ne sais pas inventer des personnages. Je n'ai pas d'imagination, moi, créer des personnages, je ne suis pas Dieu. S'ils n'existent pas, s'ils ne m'ont pas communiqué, s'il n'y a pas eu de vibration entre nous, je ne sais pas écrire. Oui. Donc, je garderai cette sensibilité jusqu'au bout. Hein. Et même dans les livres techniques sur l'histoire des sciences et des techniques que je peux écrire, les gens me disent, on la sent. Il y a quelque chose, c'est pas possible, on ne peut pas se contrefaire. Et vous avez inséré dans votre ouvrage 20 illustrations à l'aquarelle et au pastel qui participent aussi à leur manière, à la poésie, à la douceur du temps qui passe. C'est de votre cru également, ces illustrations? Oui, tout à fait. Je me suis mis à l'aquarelle en écrivant ce livre. Ah oui. Donc, je pratiquais plutôt, j'ai commencé avec Jean-Pierre, donc avec Pierre dans le livre. J'ai commencé par l'huile, on peignait à l'huile devant nos chevalets dans ma chambre. Et puis c'est trop long, ça coûte trop cher, et c'est tout un bazar quand il faut préparer les toiles, sortir. Bon, il faut 5 heures devant soi pour peindre. L'aquarelle, je peux la faire en le fusain, le pastel, je prends un quart d'heure, je peux faire une retouche. Bon, c'est très simple. Et puis il y a une fraîcheur, il y a une transparence dans l'aquarelle qui correspond davantage à la poésie que je voulais mettre dans le livre. C'est frais, c'est... C'est simple, il n'y a rien d'intellectuel dans l'aquarelle, ça peut être anecdotique aussi, mais c'est un plaisir, le dessin est aussi un plaisir. Oui. Vous avez donc une vie très riche en activités diverses et variées, on parlait du temps tout à l'heure, est-ce à dire que vous l'avez apprivoisé? Je ne sais pas, je le prends. Vous le prenez? Je ne sais pas comment il passe très vite. Quelquefois des personnes qui me connaissent me disent, mais enfin, comment tu fais quoi, c'est pas possible. Si, c'est possible. Parce que le temps physique n'est pas le temps vital. Ce sont deux temps différents. Le temps de la physique échappe complètement à la logique du temps vital. Mmh. Et on apprend peut-être à le gérer mieux, à profiter de chaque seconde. Dans le métier que j'avais, notamment très, très, très lourd, chaque seconde comptait. J'exploitais chaque seconde. Mais c'est une habitude, il n'y a jamais de vide. Et ça met du vide, bah oui, effectivement. Mais il y a du repos, hein. Faut pas croire que je ne fais pas de stacanovisme. Hein. Non, il y a du repos, je me détends, j'écoute de la musique, mais je reste jamais inactif, quoi. Avec mon épouse, bon, on va faire des balades, on fait des balades parisiennes, on va dans les vieux quartiers. Bon, mais c'est vraiment. On a le temps. Mais c'est merveilleux d'avoir le temps. Ben oui, on se le donne, mais je cours quand même toujours après. Oui, moi aussi, j'ai toujours l'impression de courir après le temps. Voilà, je cours quand même toujours après. Mais bon, je ne le rattrape jamais, mais c'est quand même un ami. Bon, ben c'est bien. Tout à fait. Eh bien, nous allons faire une seconde pause musicale. Nous allons maintenant écouter Il changeait la vie de Jean-Jacques Goldman. Jusqu'à 18h30, vous m'en lirez tant avec Mona. Alors nous sommes toujours avec Monsieur Dahlstein. Vous avez des projets, je suppose? Oui, plein. J'ai des projets pour environ 50 ans. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, des projets plus directs. Donc la suite, enfin pas la suite exactement, je prends des séquences de vie. Ça sera une trilogie. Il y aura trois livres qui vont suivre, enfin une quadrilogie avec celui-là, quatre livres. Donc il y en a un qui est terminé qui sortira en mars sous le nom L'or des Vosiers. Et Vosiers, c'est une cité de mineurs et de sidérurgistes des Pays Hauts. Et un autre qui sortira en 2017 avec la fin, la crise économique lorraine, et vécue aussi au niveau des préfets et des préfectures dans le. Avec la rencontre, la découverte du monde des élus, du monde de la politique, bon, c'est pas triste. c'est une autre facette, mais toujours avec cette poésie, ce regard qui a frappé d'ailleurs mes préfets. Hein. Avoir un chef des finances poète, c'était quand même quelque chose d'assez rare. Assez rare. Ils ont apprécié. Ils ont apprécié. Pardon. Ils ont apprécié. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est le préfet Erignac et le suivant qui ont été les promoteurs de mon premier ouvrage. Ils en ont fait la promotion partout. Donc voilà. Bon, alors, il y a effectivement cette quadrilogie. Ça, c'est la partie, roman-récit illustré. Donc il y aura 30 illustrations dans le prochain. Illustrations de paysages complètement disparues. Qui ne sont pas des reproductions de photos. Hein. C'est vraiment mes souvenirs et la recomposition de paysages. Et puis la série que je continue, la série encyclopédique, Les Chantiers du Fer, sur les métiers et la vie des hommes du fer, des cités, toute cette grande aventure, cette grande fresque humaine, cette grande aventure, dans l'esprit de l'encyclopédie de Diderot. D'accord. Donc chaque livre est illustré d'environ 300-400 planches. Qui sont toutes originales, c'est-à-dire où j'explique les métiers des hommes, la transformation des paysages, l'architecture. Donc c'est une autre passion. C'est une autre passion. Donc votre livre, on peut le trouver à la librairie Singulière, rue Lafayette à Nancy. Oui, tout à fait. Et vos encyclopédies, on les trouve On les trouve aussi dans cette librairie, mais on les trouve au musée de la mine de Neufchâteau, on les trouve au musée du fer de Nancy, on les trouve à Métallurgique Park en Haute-Marne, On les trouve au Luxembourg, à Redange, au parc industriel de Redange, Fonds de Gras. On les trouve aussi dans le centre de la France, je ne sais plus où, dans un écomusée. Donc je ne distribue ces livres maintenant, puisque j'en ai repris la possession. L'éditeur m'a autorisé à les rééditer, parce qu'ils sont épuisés et ils se vendent à des prix exorbitants sur Internet pour l'un d'entre eux. Je viens de rééditer le tome 1, je vais rééditer le tome 2, j'écris le tome 4. Ah, donc voilà, donc c'est une diffusion restreinte et c'est volontaire, parce que dans une librairie, j'allais dire, ce sont des livres qui concernent un public ciblé. Donc la librairie classique, une librairie comme la librairie singulière m'intéresse par contre, parce qu'elle est singulière déjà, et que les livres ne croupissent pas au fond d'un rayon. Donc voilà, et à des prix, j'essaye de diffuser la culture au prix le plus bas pour permettre justement, donc je réalise aucun bénéfice sur mes livres, et si j'arrive à les amortir, je réinvestis éventuellement le surplus dans le livre suivant. Et donc si vous aviez en tant que philosophe un conseil à donner, quel serait-il ? Profiter de la vie. Profiter de la vie. Ah oui, oui. Et profiter de la vie, il faut nuancer encore en disant, bon, le plaisir, bon, c'est quelque chose de fugace, il ne faut pas s'en priver. C'est la notion de bonheur qui pose question. La notion de bonheur pose question avec cette interrogation du philosophe, nous avons peur du bonheur. Nous avons peur du bonheur. Oui. Je l'ai constaté dans toutes les formations humaines que j'ai faites, hein, en fouillant dans les arcanes de l'âme humaine, nous avons peur du bonheur. Pourquoi ? Eh ben, parce qu'on a peur qu'il s'enfuit. Et aller jusqu'au bout dans le bonheur, quand on découvre la sensation de bonheur, elle peut faire peur. Elle peut faire peur parce qu'elle peut vous emmener aussi là où vous ne voulez pas aller. Et j'allais dire, quand la vie pousse à l'intérieur et qu'on découvre des potentiels, on est parfaitement heureux, mais on va où ? On a peur de le perdre aussi. Oui, peur de le perdre, voilà. Ça c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'on a peur du bonheur. Donc on le lisse, quelquefois on le lisse et on reste dans le plaisir. C'est beaucoup plus confortable parce que le plaisir, on peut l'appeler, le bonheur, pas. Ouais. Oui, mais bon, le bonheur, c'est quand même... Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est la quête. Il ne faut pas l'idéaliser. Le bonheur, c'est quelque chose de quotidien. Dans les plus petites choses et dans le prochain livre qui sortira en mars, je montre comment un enfant découvre le paradis, mais toutes les merveilles du paradis, là où l'imagerie populaire situe l'enfer, au cœur du pays. Non, ça peut être très très intéressant. Ah oui, tout à fait. C'est dans le pays des hauts fourneaux que j'ai découvert le chant des oiseaux, l'odeur de l'herbe coupée, les forêts. Oui, on n'imagine pas dans l'imaginaire. C'est vraiment. On voit que les hauts fourneaux en fait, les fumées. Il faut rentrer. Si vous rentrez sur un chantier de coulée, alors là, la messe, c'est une cathédrale. Mais c'est quelque chose de fantastique. On en ressort transformé. On n'en ressort pas comme on y est rentré. C'est pas possible. Et quand on franchit les portes de la mine, c'est pareil, quand on franchit vraiment les portes du tréfonds de la terre, on n'en remonte pas comme on est descendu, si on est curieux et si on a un regard ouvert. Mais écoutez, M. Lachtan, je pense qu'on pourrait encore vous écouter pendant très très longtemps, mais bon, l'émission va prendre fin. Je vous remercie d'être venu nous voir. Merci de m'avoir permis de m'exprimer et puis de présenter un petit peu ces livres et ces projets. Voilà, et ben j'espère que je vous recevrai une autre fois quand volontiers. Vous aurez terminé votre ouvrage. Volontiers.